Capot 2, lui. Son truc, c'est marqué capot 2. Tu connais celui-là ? On peut essayer ça ? Salut. On va voir en 64. On va essayer en 64. Je vais pouvoir faire le refrain. Si je me trompe pas. Every day. Normalement, c'est avec un capot. Ça écrit des... Merci, appuyez sur le truc. Tu veux les accords ? Bon, on va le faire à normal, sans capot. Alors, c'est du Sol, Mi, Do, Ré.